Yes, hi. All right, in the place. Voilà, on est réunis là, Easy and Irene, dans les pièces, dans les parties. Yeah, parce que, pourquoi? Parce que la musique nous réunit. Yes, acoustic vibes, acoustic style. Big up, big up. Ciao, on vient donner ici. Twan, il a les pliés. À la voix, à la guitare, yeah man. Hey. L'homme que l'on nomme Siri. Yeah man. Yeah, Valdez aussi. You know. Il a les pliés, c'est Skunkin, all the time. Ouais, parce qu'on est là, c'est acoustic time, acoustic style. Ouais, on a décidé de se réunir comme ça pour vous donner plein de vibes. C'est une... Tous les youths représentent tout le monde. Yes. Pourquoi? Parce que c'est la musique qui nous réunit. Yes. Comme tous les auditeurs aussi. Pas perdre de temps, on va vous donner ça en musique directe. Message, hey, Toine, qu'est-ce que tu dis?